l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste. Je sais que tu seras au bout de mes voyages. Je sais que tu viendras malgré tous les détours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé. C'était La Ligne Droite, Kerenan et Étienne Daho. France Inter, du vent dans les synapses. Et avec nous aujourd'hui pour la revue d'actu de la semaine, Mathieu Novak de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à vous. Bonjour Daniel. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux. L'épidémie est devant nous. Voici ce que disait le président de la République jeudi dernier lors d'une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sophie, cette semaine, un cap a été franchi pour la propagation du virus Covid-19. Peut-on maintenant parler de pandémie ? Le mot n'est pas officiellement lancé par l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est vrai que tous les continents sont maintenant touchés, 50 pays qui connaissent des cas et puis partout de nouveaux foyers qui surgissent. Au total, désormais, près de 85 000 personnes dans le monde ont été infectées, 2 800 sont mortes. Il y a même plus de cas hors de Chine qu'en Chine continentale. Et alors, si l'OMS donc se refuse à employer le terme, c'est peut-être pour éviter d'amplifier la peur. En tout cas, en France, on utilise maintenant les mots de pré-pandémie. Mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien où on en est. On a franchi ce cap d'avoir des cas sur tous les continents, mais on a une sorte d'épidémie à bas bruit. Quand on cherche, on trouve quelque chose. C'est ce qui s'est passé cette semaine dans l'Oise. Mmh. Et on se pose plein de questions, comme par exemple celle des enfants, qui semblent être porteurs, mais sans développer de symptômes. Donc, généralement, on modélise en regardant les grands axes de transport, mais aussi, maintenant, il faut regarder les classes d'âge. Donc, ça rend cette modélisation très compliquée. Alors, une question revient beaucoup de la part des auditeurs. Pourquoi parle-t-on autant de ce virus, Covid-19, alors que celui de la grippe saisonnière tue chaque année? L'OMS a rappelé que la grippe saisonnière fait 60 000 morts par an. Rien qu'en Europe. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La première, c'est qu'on est vraiment face à l'inconnu. On parle de la grippe, mais la grippe, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on l'étudie. N'importe quel médecin pourra vous dire aujourd'hui sur la grippe de cette année, qui tue assez peu, combien en gros il va y avoir d'hospitalisations, qu'on va avoir un nombre de cas qui va diminuer en mars-avril, quels moyens il faut mettre en œuvre pour contenir l'épidémie. Ici, on est face à l'inconnu. On a un virus qui a jamais touché l'humain, donc face auquel personne n'est immunisé et on ne sait pas encore sa transmissibilité. Normalement, ce sont des virus saisonniers, donc ils devraient disparaître pendant l'été, mais personne ne peut l'affirmer. Oui. Donc d'un point de vue, on n'est même pas sûr de ça en fait. Non. Et le taux de mortalité du virus est supérieur à la grippe. À la grippe. Oui, cette année la grippe, on est à moins de 1%. Ici, on en serait à peu près à un taux de mortalité, mais ça reste très préliminaire comme chiffre, environ 1% chez les femmes, 2% chez les hommes, et ça se concentre surtout sur des individus qui ont des problèmes, notamment des problèmes cardiaques, des individus âgés et fragiles. Sophie, face à cette flambée épidémique, comment la recherche s'organise-t-elle? Quelles sont les principales questions auxquelles les chercheurs doivent répondre en priorité? En préliminaire, disons que ce sont d'abord évidemment les équipes chinoises qui sont sur le pont, ce qui est tout à fait normal, d'autant que la recherche chinoise a monté et monté en puissance de façon phénoménale depuis 10 ans. Donc on continue de travailler sur la propagation, on veut pouvoir prédire où seront les prochains foyers, si telle ou telle circonstance sont favorables ou défavorables au virus, et Mathieu vient d'expliquer toutes les inconnues qui sont encore là. On cherche bien sûr un traitement, on teste dans beaucoup de pays dans le monde les antiviraux qui existent déjà. Le problème c'est que sur les virus émergents, comme ce Covid-19, on sait qu'ils résistent aux antiviraux les plus communs. Alors, on poursuit donc les recherches en essayant de mettre au point un nouveau médicament et puis bien sûr de fabriquer un vaccin. On sait où on en est sur le vaccin? Il y a environ une dizaine d'équipes ou de laboratoires privés qui travaillent sur la mise au point d'un vaccin dans le monde, mais il faut rappeler qu'il va falloir plusieurs mois pour aboutir et toutes les annonces un petit peu exceptionnelles comme récemment 42 jours un laboratoire a mis au point un vaccin. Mais ça c'est farfelu. Mais c'est foutaise parce qu'en fait, on prend un vaccin qui existe déjà, par exemple le vaccin contre la rougeole, et puis on va essayer de le modifier pour faire en sorte qu'il s'attaque à ce virus. Mais une fois que vous avez cette première brique qui effectivement prend trois semaines environ. Et bien après, les étapes suivantes, le test sur la souris, la non-toxicité, éventuellement sur des animaux plus proches de l'humain, comme les primates, puis un démarrage d'un essai clinique. Donc au plus court, c'est 8 mois, et plus tôt, si vous voulez, un an et demi même. Si le vaccin n'est pas pour tout de suite, est-ce que des traitements peuvent être mis au point plus rapidement, Mathieu Novak ? Oui, là c'est une course contre la montre, et pour gagner du temps, que font les chercheurs dans tous les laboratoires dans le monde entier? Ils testent des molécules, des médicaments qui sont déjà sur le marché. Alors ce sont des antiviraux, il y a large spectre, ce sont aussi des antibiotiques. Et là aujourd'hui, il y a eu une recension européenne, il y a à peu près 120 molécules qui sont testées, qui existent déjà, dont 31 candidats sérieux qui semblent avoir un effet potentiel contre ce virus, et en particulier la chloroquine dont on a parlé cette semaine. Oui, alors ça, Sophie Bécherel, effectivement, c'est un grand pont de la virologie qui a annoncé ça, Didier Raoult, mais ça a été peut-être un peu survendu. Alors, pourquoi il y a débat, on va dire, hein. En fait, la chloroquine, sont les Chinois qui, en fait, l'utilisent. Ils ont lancé des essais cliniques dans 10 hôpitaux, connaissant son efficacité sur les cellules in vitro. Et ça, c'est une connaissance acquise depuis une dizaine d'années. Alors, par les chercheurs du monde entier. La chloroquine, c'est avant tout un médicament, qu'on utilise contre le paludisme. Voilà. Vieille molécule qui coûte pas cher. Et donc, pour les Chinois, mercredi, ils ont annoncé que la chloroquine fonctionnait. Mais encore une fois, c'est le début d'un essai clinique. Et chez les malades à qui ils la donnent, ils disent qu'il y a une avancée, il y a un mieux. Simplement, cette annonce est très imprécise. On ne dit pas quel est le dosage, on ne dit pas dans quelle mesure ces personnes vont mieux. Et du coup, la fin de l'essai clinique n'étant pas terminée, une partie des chercheurs français, dont ne fait pas partie Didier Raoult, dit qu'il est prématuré de crier victoire. Mais comme je vous le disais, les Chinois font des études partout. Ils ont déposé depuis le début de cette épidémie 257 demandes d'essai clinique, absolument sur tous les domaines. Et parfois, ça n'est pas une vraie publication scientifique dans un journal sérieux, c'est une annonce, un feuillet, mais comme c'est validé par les autorités politiques du pays. Pour conclure, un dernier mot sur l'importance de financer la recherche sur le long terme, parce que les Français se sont remis dans la course. Il faut savoir qu'en 2017, la France a cessé de financer les équipes qui travaillaient sur le coronavirus. Et ça n'est que depuis mi-février qu'on a relancé des fonds, des financements pour pouvoir financer ces équipes. C'est vraiment très dommage. On s'envole pour un endroit où l'on est sûr qu'il n'y a pas de coronavirus. Enregistrement d'un séisme martien par l'atterrisseur InSight, Mathieu Novak, en début de semaine, plusieurs articles ont été publiés dans la revue Nature annonçant les premiers résultats de cette sonde InSight un peu plus d'un an après son arrivée sur la planète Mars. Et oui, et c'était la première fois qu'on a apporté un sismomètre sur une autre planète que la Terre. Et ce qui a permis, comme on vient de l'entendre, d'entendre pour la première fois des secousses ailleurs que sur la Terre. Alors c'est pas juste pour le plaisir de les entendre, c'est qu'il faut se rappeler que étudier les séismes, c'est ce qui a permis, notamment au XXe siècle, d'étudier la structure terrestre. On fait pas des trous, on fore pas jusqu'au cœur du noyau pour savoir comment est faite couche par couche une planète. Ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de façon indirecte de séismes, parce que quand une onde sismique arrive sur une limite entre deux couches, elle va changer de nature et de direction. Donc c'est ce qu'on cherche à observer ici sur Mars. Alors dans le détail, on a eu trois types de secousses. D'abord des ondes très faibles dues à des tourbillons atmosphériques qui sont un peu comme des ventouses qui passent sur le sol et ça donne l'élasticité de la couche la plus superficielle. Donc là, on a pu voir qu'il y a du sable très fin sur 2 à 3 mètres et qu'en dessous, il y a des roches. Ensuite, on a des ondes de haute fréquence mais de faible intensité dont l'origine est mystérieuse. On en a plus en plus depuis qu'on les enregistre. Alors peut-être que c'est lié au fait que c'est le début de l'été et que du coup, avec la chaleur, il y a de plus en plus de craquements et de chutes de pierres. On va bientôt passer à l'hiver, si c'est le cas, ça va diminuer. Mais surtout, on a enregistré des signaux de basse fréquence, mais de haute intensité, une fois par semaine. Et ce sont de véritables ondes sismiques, comme sur la Terre ? Eh ben, c'est bien possible, parce que leur origine semble être profonde, peut-être quelque chose comme 50 km sur la surface. On en a eu deux gros, de magnitude 3,6, dont on a su localiser l'origine, l'épicentre, c'est une zone de fissure à 1600 km de la sonde. Et leur analyse a permis de donner des résultats sur les premiers kilomètres de la croûte. Alors d'abord, on a pu préciser la nature. La nature, elle est à mi-chemin entre la croûte de la Terre, qui est très humide, et celle de la Lune, qui elle est très sèche. D'un point de vue géologique, ça ressemble un peu au Massif central, au Massif armoricain ou aux Vosges. Mais surtout, on a vu à 10 km une discontinuité. Les ondes sont réfléchies et changent de nature à ce moment-là. Ce qui veut dire que la croûte, elle est en fait en deux parties. Philippe Lyonnais, le patron de la mission, avait dit que ça n'avait été jamais envisagé. on a une partie superficielle de la croûte qui est altérée. Pourquoi ? Comment ? On l'ignore complètement. Ce qui est intéressant avec ces résultats, c'est qu'ils apportent ainsi leur lot de mystères. Il y a encore des questions. Ah oui, je retiens cette croûte martienne qui ressemble au massif vosgien. Mathieu, de nouvelles analyses menées autour du tombeau de Toutankhamon et le mystère se réveille. Ouais, c'est très excitant, la piste des chambres secrètes est relancée. Rappelez-vous, en 2015, Nicholas Reeves, à l'université d'Arizona, il dit que sur les murs peints de la chambre funéraire de Toutankhamon, il y a des fissures et qu'elles dissimuleraient peut-être un accès vers une chambre secrète et pourquoi pas la tombe de Nefertiti. Il y a eu des campagnes de thermographie infrarouge, de géoradar, 3 campagnes. La première était prometteuse, mais les deuxième, troisième n'ont rien trouvé, ça a été suspendu. Mais une équipe britannique de Terra Vision Exploration a reçu l'autorisation d'utiliser une autre technique, le radar à pénétration de sol. Et là, à un autre endroit, à côté du tombeau, ils ont détecté des anomalies. Ils décrivent ça comme un espace du type d'un couloir, de la même profondeur, 2 mètres de hauteur, 10 mètres de long. Comme c'est perpendiculaire à l'axe de Toutankhamon, peut-être qu'il y aurait une connexion, sait-on jamais. Mmh. L'ancien ministre des Antiquités, Zahi Wawa, s'est dit tout de suite que cette technique n'a jamais permis de découvrir quoi que ce soit. Eh bien, si c'était une première, ce serait une belle première. Sophie, Tara, de retour à Paris. Oui, vous le savez peut-être, Radio France est partenaire de Tara qui vient à Paris pour la 3e fois. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à Pâques, au 13 avril, la goélette scientifique qui revient d'une expédition sur les fleuves européens en quête du plastique, des microplastiques qu'il y a dans les fleuves, vous propose d'une part une expédition sur toutes les dernières expéditions de ce bateau, mais aussi éventuellement de fouler le pont de la goélette. Voilà, beaucoup de scolaires accueillis pour tout savoir sur l'océan qu'a sillonné le bateau. Et je signale aussi que les 6 et 7 mars prochains se tiendra à Nice la 5e édition de Neuroplanète, 2 jours de conférences passionnantes sur le cerveau. Quelques exemples de thèmes abordés, l'effet placebo, la méditation, le cas des cerveaux hors normes des personnes à haut potentiel ou encore les liens entre folie et génie. Ça se passe au Centre universitaire méditerranéen de Nice, vendredi et samedi prochain. Et nous allons mettre un lien vers le programme sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr. Mathieu Novak, à découvrir dans Science et Avenir. Notre numéro de Mars vient de sortir et on a tous les secrets pour retarder le vieillissement. On a vu qu'il y a des marqueurs dans le sang à 34, 60, 78 ans qui changent. Donc il y a peut-être 3 étapes dans la vie et on essaie de creuser ça. Merci Mathieu Novak et Sophie Becherel. Et à très bientôt. En 2e heure, nous allons partir à la découverte de rituels pratiqués dans des cultures très différentes sur les 5 continents avec le médecin anthropologue Philippe Charlier. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. There was this girl that I once knew. Let's just say her name was Rosie, Rosie Blue. Rosie was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark, and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie in Morocco, Agadir. How I wish that Rosie was still here. Then I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love. So do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. I wish I knew that Rosie was depressed. She couldn't find love, cause her inside was a mess. In this crazy world, we're living in. There's too many rosy blues. C'était Rosy Blue de Ayo. Merci à Louis Audebert et Fabrice Desmaz qui sont à la technique avec nous aujourd'hui. Juste après le flash, on s'intéresse au rituel avec le médecin anthropologue Philippe Charlier. À tout de suite.